Chapitre 15. Mais Jean revint, comme un dieu qu'une machine amène au dénouement d'une tragédie grecque ou latine. Et si l'on raille en de tels ouvrages, une liberté que le poète prend d'ajuster selon ses projets d'auteur, les épisodes, et si l'on réclame un désordre analogue à celui que présente le plus souvent la réalité, on oublie que les hasards ont quelquefois l'air de rivaliser avec les poètes, et d'organiser par un jeu subtil des coïncidences plaisantes ou pathétiques, de sorte qu'on y reconnaît providence ou fatalité. Puis, ces jours-là que les présages se multipliaient, les prodiges étaient nombreux, et la vraisemblance bouleversée. D'ailleurs, Jean ne survenait pas au dénouement, il le précédait, et intervenait à la périphérie, où l'on admet un accident, faute de quoi il n'y aurait pas de compte, et voilà tout. Or Jean, qui avait demeuré dans les pays de soleil et de gaieté, qui avait déconfit les Sarrasins, et qui portait en lui une allégresse de printemps et de victoire, ne croyait pas à la fin du monde. Dans les heureux pays d'Aquitaine et de Provence, on n'y croyait pas. Telle est en effet l'imprudence humaine. Et le bonheur devrait sentir la menace plus qu'il ne sied au malheur d'attendre son achèvement. Ce ne fut qu'en chemin que Jean connut qu'on redoutait la catastrophe, et il refusa d'y souscrire. Le village, quand il arriva, lui parut un lieu d'absurdité qui l'étonna et le fâcha. Comme il n'avait participé ni au prélude ni au progrès d'une opinion qui au surplus contrariait son désir et son espoir, il traita de folie cette opinion, qu'il aurait eue ainsi qu'un autre s'il se fût lentement accoutumé à elle, et d'heure en heure eût suivi le cours et l'accroissement de la certitude. En outre, sa vivacité de soldat, qui sort de la mêlée où il a surmonté l'ennemi, l'incitait à une indocilité un peu arrogante. Il détesta les circonstances qu'il n'importunait, s'informa de Michel, et aux réponses des paysans, répliqua sans douceur. Il se rendit au couvent, demanda Michel, et ce fut le frère Siméon qui l'accueillit avec beaucoup d'embarras. « Je vais lui dire que tu es là, et que je l'attends. » Michel était à réciter les litanies de la Sainte Vierge avec ses compagnes. Elle disait l'invocation. Les femmes répétaient l'insistant refrain de prière. Il fallut que le frère Siméon fût patient, puis compta sur la moindre patience de Jean, qui attendait en bas son retour. Il n'eut point osé interrompre la supplication, mais il doutait que le soldat fût tranquille. Enfin, lorsque la dévote Guirlande eut amplement déroulé ses métaphores, pareilles à des fleurs bénies, et que Michel se releva d'être agenouillé, il s'approcha d'elle, la tira un peu à l'écart et lui dit, d'une voix douce et attentive, et qu'il aurait voulu qu'il ne fît pas de bruit du tout. « Jean est revenu. »« Ah !» répondit-elle avec une extrême vivacité. Elle ajouta, « Dieu soit loué. » Puis elle parut tout occupée à contempler l'idée nouvelle et imprévue que Jean fut de retour. Elle garda un silence dont le frère Siméon ne devinait pas tous les sentiments, de sorte qu'il ne savait à quel endroit y placer un mot qui pût s'y joindre sans le blesser. Mais il fallait redouter que Jean, qui attendait Michel et ne voyait pas comme elle était en rêverie, n'eût pas la même précaution. Le frère Siméon dut se résigner à dire « Il demande à te voir ». Michel sourit et cligna des yeux pour chasser les larmes qui tremblaient à ses cils. Et sans répondre, elle murmura « Ainsi, ne m'ayant pas oublié, il m'aime encore. Et il te réclame, que lui dirais-je ? Ce que vous savez. » Après avoir un instant médité, le frère Siméon se récria « Mais non, Michel, je te relève de ton vœu. »« Je ne sais pas, répondit-elle, si vous en avez le pouvoir, comme vous en avez la bonté. Mais moi, je ne veux pas m'en départir. Mais si, en vérité, je me repens d'une imprudence qui n'est pas digne de mon âge, quelle folie ! Je n'aurais pas dû t'écouter. J'aurais dû avoir plus de circonspection que toi et t'avertir d'être sage. Eh bien, je l'efface, ton vœu absurde. Et moi, dit-elle, je le renouvelle. » Michel, dit le frère Siméon si pantois, qu'elle eut grand hâte de le conforter par son gentil courage. Elle reprit. « Je le renouvellerai, mon vœu, si assidûment et si dru, que vous ne trouverez pas où insinuer entre mes vives promesses votre permission d'y manquer. Je vous en défie. » Elle donnait à son dur sacrifice l'air d'un jeu qui l'aurait amusé. Elle dissimulait ainsi une souffrance contre laquelle toute sa volonté jeune avait la résistance difficile. Le frère Siméon s'en aperçut, car il était amical et intelligent. Mais il ne savait plus que dire, et que dire à Jean non plus qu'à Michel, de sorte qu'il demeurait plein de tristesse et d'inquiétude. Il essaya d'un nouvel argument. « Ton vœu avait le tort d'engager deux personnes. Tu n'avais pas le droit d'engager en même temps que toi, Jean, que nous n'avons pas consulté. Mon vœu, dit-elle, était imparfait sans doute, et participait de mon infirmité. Ce n'est pas une raison pour le trahir. elle retourna bientôt à sa feinte gaieté. « Vous êtes attrapé, dit-elle, vous ne croyez pas que Jean doit revenir. C'est pour cela que vous avez accueilli mon vœu. Et moi non plus, je ne le croyais pas. Je risquais beaucoup d'avoir fait une vaine promesse dont j'avais honte. Et je donnais ce qui n'était pas à moi. Maintenant, je donne ce que j'ai. Dites-le à Jean, s'il vous plaît. Et ne me dites plus rien de lui. »